glace. Je veux bien. Comment ? Je veux bien. On va le manger alors. Génial ! Merci. Bonjour, le ouais. Ouais. Allez, attends, dans mon sac. Bon, c'est pas grave. Thank you. touch your little heart, pass it on to you. The way that I stay away from there, come to you. Tu me parles? I'm Carry on. Merci beaucoup. Un petit message personnel pour Boumé. Est-ce que tu pourrais monter un peu ma voix dans le retour, s'il te plaît ? Pas moi. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Ah, super. Oh ouais. Je savais pas, je croyais qu'il marchait avec la sœur. I'm not afraid to die. merci, on peut vous remercier tout le monde, belle semaine comme ça. Il y a quelques gens à remercier, Arema, ici, je sais sur quel label, qui ose sortir, c'est cool. 3C, c'est une agence de tournée qui nous aide. Voilà, et le Krakatoa aussi qui va nous aider. Et la personne aussi qui nous fait du son, Goumé. Voilà, et Anne Carré, les deux films que vous voyez, c'est les siens. Bravo! that I once confused with gold. C'est ton idée.